Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Attendez, c'était vraiment le meilleur, la meilleure partie du show. Hein, on a tout mis sur ondelatte, donc Calmos. Je citerai, ouais, voilà, Calmos les amis. Voilà, pour citer Antoine Griezmann. Merci beaucoup, chers amis, d'être venus si nombreux, parce que maintenant vous êtes des amis, vous payez l'entrée, donc c'est bon. Vous êtes nos amis. Bienvenue à tous dans cette très belle salle des fêtes de l'Olympia. Oui. Ça nous fait très plaisir de vous accueillir ici. Jacques Brel a vomi ici. Il y a le fantôme du vomi de Jacques Brel qui est là, donc profitez. Qui peut vous hanter à tout moment. Non, bah merci beaucoup d'être venus si nombreux. Ça reste un floodcast, hein, vous avez payé l'entrée, mais ça reste un floodcast, donc on va tout simplement jouer ensemble et s'asseoir derrière ce magnifique. Très beau décor. Voilà, tout magnifique. Simplement. Très beau décor de Dorian, voilà, qui a fait un très bon travail. Donc, vu qu'on est à l'Olympia, nous avons des invités tout à fait exceptionnels. La première. Elle est comédienne, elle est autrice, elle réalise, elle est incroyable, elle a ouvert la fenêtre de son cœur il y a bien des années, c'est Audrey Pirot ! Salut ! Pas mal. Wow. Pas mal. Bonsoir. Mais tu n'es pas la seule invitée, Audrey. On est ravis de t'accueillir. En plus, tu as mis bas il y a quoi, 2 jours, à peu près. Voilà. Alors, on peut l'applaudir quand même. Bravo, Audrey. Notre prochain invité, ma voix, il est auteur, il est comédien, il est réalisateur. C'est peut-être le meilleur ami d'Adrien Méniel. Il s'agit de Simon Astier. C'est Simon Astier. Bonsoir à tous. Wow. Oui, showman. Il est fort. Ouais, garde-en quand même. On voit que c'est pas ton premier Olympia, ça se voit. C'est vrai que t'as fait plusieurs fois l'Olympia, toi. C'est mon troisième, ouais. Wow. Arrêtez, sinon ça va. Oui, c'est rien du tout pour toi. Ça va. Alors, comme je disais tout à l'heure, ça reste un floodcast. Donc, comme souvent dans le floodcast, on va faire, comme toujours, d'ailleurs, le petit jeu du floodcast, le jeu des news un peu insolite. Alors, justement, alors d'abord, il y a une araignée ici, donc allez. Oh non, araignée du soir espoir. Mais je l'ai pas tuée, hein. Elle est juste plus sur le. Bon, allez, Audrey, il y a vraiment pas le temps. Tu vas l'écraser en voulant la sauver, c'est ridicule. Allez. Ça aurait été araignée peut-être du matin, chagrin, mais réincarnation du soir espoir. Tu l'aurais écrasé, sans le problème. Le matin, hein. J'ai pas de pitié. Oui, donc, si vous connaissez bien le Floodcast, vous savez que pour le jeu des news du Floodcast, Florent avait fait un jiggle. Qui était pas si mal. Je vais pas dire qu'il était mauvais, mais moi, quand je l'ai entendu, je l'ai pris comme un manque de respect envers moi et le public. Ouais, voilà. C'est ça. Même pas en termes de qualité, c'est juste qu'il n'y a aucun effort, quoi. Le pire, c'est qu'il y avait un effort. Et j'ai rien dit, mais visiblement, mon expression faciale m'a trahi. Quand il l'a passé. Et du coup, Florent m'a dit, « Bah, toi, qu'est-ce qui est malin ? Sale chauve de merde, c'est ces termes. Wow, » wow. Non. Je paraphrase au mot près ce qu'il a dit, ce qui est une phrase qui ne veut rien dire. Si t'es si malin, t'as qu'à en faire un jingle. Et du coup, j'ai fait un jingle pour le jeu des news du Floodcast. Florent ne l'a pas entendu. C'est vrai. En fait, il va le découvrir en même temps que vous. Tu en as fait un par date oui, de la coup, tournée. Oui, du coup, j'en ai fait 7 pour qu'il puisse le découvrir à chaque fois. Ah. Et ouais, bon. Ah. Écoutez-le avant, peut-être. À Toulouse, ils ont applaudi là, mais après, vous n'êtes pas obligé de. Bon. Regarde-le, il boit. Regardez-le, il boit. Ouais. C'est rien pour lui. Pendant les applaudissements, tu bois une petite gorgée. Non, c'est rien, c'est de la zik. Pour moi, c'est de la zik. T'es dans ta poche, tu dis, mais c'est quoi? Bah, c'est le public. Bah oui, y a aucun problème. Voilà. Et du coup, on va écouter le jingle des news du Floodcast. Vous allez voir que c'est quand même. Voilà. Allez, c'est parti. Alors comme ça, vous aimez les jeux. Ça tombe bien, je vais vous parler d'un jeu. Il s'appelle Squid Game. Une dominé par l'argent. Squid Game, surmédiatisation de la misère. Squid Game, 1, 2, 3 soleil, mais où on meurt. Squid Game, on utilise une personne comme table basse. Squid Game, des riches qui se croient tout permis. Squid Game, qui exploitent les pauvres pour leur plaisir. Squid Game, ça vous rappelle quelque chose? Squid Game, la vraie vie tout simplement. Squid Game, on peut dire que c'est une satire de la société. Squid Game, hein? Macron là, Squid Game. Bon après, ça reste une bonne série. Squid Game. Bravo. Alors, ouais. Attends, juste... Juste... En le réécoutant, j'ai remarqué une erreur. J'ai vraiment pas parlé du jeu du... Ouais. J'ai parlé de Squid Game, je sais pas si ça... J'ai parlé que de Squid Game. C'est ce qui fait que j'étais pas à fond, perso, mais... La chanson peut être le générique de la saison 2 de Squid Game. Si quelqu'un veut faire une pétition pour que ce soit le générique de la saison 2 de Squid Game, faites-le. N'hésitez pas. Voilà. Donc non, on va pas jouer à Squid Game, t'imagines sinon? Imagine. Non mais on serait là genre... Tu tires la corde, mais si tu tombes, tu meurs. Mais qu'est-ce qui se passe, ils font Squid Game, t'imagines? Donc non, on va faire les jeux... Les masques qu'ils ont là. C'est des manettes de play en fait, les trucs. Bah ouais. Non, on va faire les news du Floodcast, des news un petit peu insolites. Alors, on est à Paris, donc certaines news concernent la capitale. À Paname. Ah, la ville lumière. Vous savez, en 2024, les JO, c'est 2024, oui, c'est absolument. Ça voilà, oh, là, absolument. Voilà, il y a les JO de Paris. Eh bien, une nouvelle épreuve va faire son apparition, une épreuve qui... Squid Game. Non. C'est pas Squid Game. C'est une épreuve qui n'a jamais été disputée dans l'histoire des Jeux Olympiques, à votre avis. Le gaming. Laquelle? Pas le gaming. J'ai plus rien. Est-ce qu'on peut avoir... Ah, bonjour. Non. Bonjour, ça voudrait. Ça roule, il faut poser des questions. Est-ce qu'on peut avoir des indices ou... Non, il faut poser des questions, parce que sinon le jeu dure 5 secondes. Oui, mais voilà, c'est ça, c'est des questions. C'est la 8e année, Audrey, quand même. Oui, mais... Est-ce que c'est collectif ou solitaire? Non, chacun. On compte pas les points. Tu n'as jamais écouté l'émission. Non, pardon, je parle de la discipline. Ah, la discipline en elle-même. Pardon. Mes points seront mes points. Non, je crois que c'est plutôt solitaire. Après, il peut y avoir des... Voilà, une personne versus une personne ou des groupes. Voilà. Est-ce que c'est une activité... C'est hyper confus. Bah ouais. Mais c'est un sport hyper bizarre. Ah oui, mais tu vas voir. Est-ce que c'est une activité physique? Oui, elle est assez physique. Le palais. Non, pas le palais. Pas le... C'est quoi le palais? Tu sais, c'est... Le palais. Ah, le palais. T'as jamais joué au palais? Bah... Est-ce que c'est une activité... Je pense. Oui. Ouais. De ouf. Oui, ouais. Ouais. Ok. C'est... Non, mais c'est bien. L'enquête avance. Ça nous a mis sur une bonne piste, ouais. Ouais, effectivement. Okay. Mmh. Je te vois avec un petit impair et une loupe, là, comme ça, avec la main dans le dos. Non, je pense pas à imiter Columbo, s'il te plaît. Est-ce que c'est une activité? Ça, j'ai déjà dit. Est-ce que ça se joue en plusieurs manches? Non, c'est vraiment juste un truc d'enchaînement de... Ouais. Le disque golf. Quoi? Le frisbee golf, oui, je connais. Ah, je l'ai. Alors, qu'est-ce que c'est? Je l'ai. Oh, je l'ai direct. Alors, je veux juste savoir ce qu'est le disque golf avant. Vas-y, parle. Parce que wow. Je sais pas si parce que je l'ai trop, en fait. Je l'ai direct. Une activité. Je l'ai direct. C'est quoi le disque golf? Eh ben, c'est le golf. Ok. Mais si tu me dis avec un disque, je me casse, par contre. C'est vraiment ce que j'allais dire. Oui, voilà, c'est ça. Mais avec un frisbee que tu lances dans des paniers. Ah, ok. Ah ouais, bah, sinon, je l'ai. Alors? Le breakdance. Très bonne réponse, wow, de Simon Assier. C'est vrai? Non, c'est vrai. Le breakdance. Lors des Jeux de Paris 2024. Et ouais, Adrien. Je donne une bonne réponse. Ouais. Le breakdance, et ce sera deux équipes de 16 B-boys et 16 B-girls qui vont s'affronter dans des battles spectaculaires. Alors bon, là on sait pas encore, peut-être pas, mais eux disent spectaculaires. Les athlètes enchaîneront les power moves. Est-ce que je suis ringard quand c'est moi qui le dis? Non, c'est très bien. Bah, ils enchaînent les power moves, quoi. Comme c'est l'article, les ringards, hein, je et pense. Et comme pas des toi. Couples, comme des six steps ou la des feuille morte. La feuille morte. Peut-être la feuille morte, l'article ne le dit pas. En tout cas, sachez que c'est à la Concorde qu'ils vont pouvoir s'affronter. Ça, place de la Concorde, tout simplement, des épreuves de dans un véritable parc urbain temporaire en plein cœur de Paris. Tu m'en diras tant. Eh oui. Eh ben alors, il se passe des belles choses dans notre ville. Anne Hidalgo. Anne Hidalgo ou quoi? Non mais... Arrête. Non mais... Je vais me prendre un contrôle fiscal, moi. Et oh. T'es fou ou quoi? Je suis Antoine Daniel ou quoi? J'ai l'impression, un petit peu. Non, mais c'est vrai. Je vais loin. Un enfant de 7 ans s'est fait briser le doigt par un robot. Ah, j'ai vu. Ah oui? Alors, je dirais rien. À votre avis... Je suis pas Simon, je veux pas gâcher le jeu. Regardez, il boit! Ah là, le petit! À chaque fois! C'est le mic drop d'Adrien, il boit une petite lampée. Donc, à votre avis, que s'est-il passé avec ce robot, à votre avis? Mais on sait quel type de robot? Ah, bah justement, je peux répondre à tes questions. Un mixeur? Ce n'est pas un mixeur. Non, non, alors on est vraiment sur un robot, disons, il y a une certaine IA. Il y a une IA dans ah, ce si. Robot. Je crois que je sais. Ah oui? Alors, bah, Audrey peut le tester. Non. On a... Ah bon? Bah, du coup, laissons Simon. Bah non, là, ça devient humiliant, du coup, ouais. Je crois que je l'ai. Simon? Le breakdance. Alors, ce n'est pas le breakdance qui est une danse et pas... Ah, oui. Ouais, voilà. Alors, est-ce que c'est un c'est... jouet? Non. C'est les box, les trucs vocaux que t'as chez toi? Pardon? Comment? T'as peur? Ouais, t'as meur? Les cartes en italien? Les cartes d'anniversaire qui jouent la lambada? Comment? Ou Google, ah, ou... Google Home? Non, non, non, non, c'est un vrai... L'autre. Oui, oui, non, pas Alexia, tout ça, non, non, non. Ok. Pardon, comment t'imagines Alexa. Qu'un truc comme Alexa. Ça peut casser le doigt d'un enfant, par contre? Je sais pas, mais personne n'a dit qu'il c'était le doigt cassé, si? C'est l'énoncé du truc. Littéralement l'énoncé du c'est truc. C'est vraiment ouais. Ça, la clé du truc, la base. Bon, t'inquiète. C'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas que c'est nul. Okay. Est-ce que c'est un robot qui est destiné à être utilisé oui. Par casser. Un enfant? Alors, non. Pas vraiment, c'est un robot. Eh bien, merci de ta réponse. Voilà, non, c'est un robot qui, en gros, fait une tâche extrêmement précise. Tout le monde n'a pas accès à ce robot, Adrien. Si t'as la bonne réponse, tu peux. C'est l'aspirateur vrai. Non, c'est justement, c'est un robot qui n'est pas accessible à tout le monde. Oui, c'est. En fait, l'enfant ne l'a pas. Il ne l'a pas utilisé. C'est ça, il en a été vraiment victime lors d'un. Ah, est-ce que c'est un appareil robotisé qui. J'ai l'impression d'avoir 155 ans quand je mais parle. Non. C'est insupportable. C'est génial. Est-ce que c'est un appareil robotisé qui est destiné à effectuer des tâches habituellement faites robot, par l'homme, mais par le robot l'effectue à la place de l'homme? Ah, tu veux alors... dire la définition d'un robot? Ouais, c'est ça. Il a bu. Et il a bu. Il a bu dans sa tasse. Adrien. On s'adore. On s'adore. C'est des potes. C'est, de, c'est de l'amitié. Complicité. Saison 2 de Visiteurs, fais-moi ouais. Jouer de dedans. Non, quand même. Je crois qu'il a dit non, hein. Il vient de dire. Je crois qu'il a dit non, ouais. Ouais. J'ai merdé là. Non, un mais gros, regrette. Un robot. Un robot qui a une tâche une précise. Un robot qui a une tâche qui pète un doigt. Exactement. Ouais. Un robot aspirateur? Pas un aspirateur. Un robot tondeuse? Non, ouais. Pas tondeuse. C'est pas un robot. T'énerve. Mais je sais pas, parce que je suis très inquiet. Il y a pas une sale ambiance, on va. C'est un robot. Excuse-moi, t'es le chef de la soirée en fait? Non, t'es garant de l'ambiance de la soirée? Oui. Oui, un petit peu, effectivement. Ouais. Donc je m'excuse. Ouais. Je m'excuse. Il n'y a aucun problème. Pardon. Y a aucun problème. Pardon. Il reconnaît ses torts, c'est pour ça que je l'adore ce mec. Aucun souci. Mais Adrien, est-ce que tu peux nous donner la bonne réponse? Eh bien, l'enfant affrontait le robot aux échecs. Exactement. Et au moment où l'enfant a voulu prendre sa pièce, le robot il a fait. Il lui a cassé le doigt. C'est horrible, il y a une vidéo. C'est atroce, il lui a vraiment. Pour sa défense, un combat d'échecs, il pouvait pas penser tout de suite à. Tu vois, je pense qu'il était à la cool quoi. Il s'attendait oui. Pas à ce qu'un enfant soit violenté. Après, il y a un robot, voilà. Mais bon. C'est Terminator, hein, plus ou moins. Bah, c'est... Non. Je vais ouais, pas non, le dire. Non, je vais pas le dire. Non, non. Non. C'est fini, c'est derrière moi tout ça. Alors, on parle un petit peu de nouvelles technologies. C'est l'Olympia, c'est une soirée un petit peu spéciale. Mais on est à côté de boulanger, donc c'est la tech. Il y a un boulanger juste à côté. C'est vrai. Ça et fait 4 fois qu'il en parle de ce boulanger à côté. Il connaît oui, les loge. Horaires. Ouais, ouais. On lui a dit, mais dimanche, c'est fermé. Il a dit non, ça ferme à 19h. C'est la vérité, vous pouvez vérifier. Pardon d'être précis. Et donc, vu que c'est un événement un petit peu, on est à l'Olympia, on a décidé d'inviter quelqu'un. Enfin, c'est lui qui oui. A demandé. Ouais. Il a beaucoup insisté pour venir. Mais on n'a pas su dire non. Il s'agit du député, tout simplement, République En Marche. C'est quoi leur nouveau nom? Renaissance. Renaissance. Il est le maire de la ville d'Autun. Il s'agit du maire geek d'Autun. Waouh! Oh non! Merci. Mère Geek Totin. Il fait du gaming comme pas deux. Bonjour Mère Geek. Bonjour, quel plaisir de vous voir IRL. In real life, bien sûr. C'est un vrai geek. Ouh, ça se voit. C'est vrai que vous êtes passionné de gaming, Mère Geek. Oh, c'est pas à moi de le dire, mais oui, je suis un petit peu un mordu de la manette. Et comme tout bon citoyen, tout bon citoyen, je bafouille. Il n'y a pas de souci. Tout bon citoyen, voilà, je lâche mon sub régulièrement sur la plateforme Twitch. Oh. Ah, vous suivez quelques streamers, par exemple. Bien sûr. Ah oui, vous Gotaga, par exemple, c'est quel... Le French Monster, bien sûr, Gotaga de Fortnite. Oui, j'adore. Ah, j'adore. Oui. Dwagby, ouais. Le Dwag, oui, j'ai clippé bon nombre de ses interventions sur le web. Même populaire, des gens très populaires. Squeezie, c'est quelque chose que vous regardez. Ah, pas de chance, vous êtes tombé sur le Squeezos de France. Voilà. Oh. Eh oui, voilà. Je sais que c'est à vous dans la société, mais je le dis quand même. Squeezie first, voilà. Oh, le geek. Le mot est lâché. Le geek que c'est, ce mec. Arrêtez. Non, mais Et je sais pas, Antoine Daniel. Je connais pas. Non. Non, ça ne dit rien. Angle droit non plus. Bon, écoutez, c'est un contrôle de maths ou on parle de Twitch? Non, sans déconner, je suis le maire geek, je ne suis pas géomètre. Ouais. Ouais, bien j'ai d'être ça, j'ai d'être ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je pète mon crâne. Mais c'est vrai que vous êtes venu nous parler de votre très beau livre. Les jeux vidéo ont ruiné ma vie, heureusement il m'en reste deux. Deux. Ouais. Ah, bien joué. Tout à fait, Florent. Je peux vous appeler Florent ? Avec plaisir, oui, c'est mon nom. Oui, c'est un livre qui retrace voilà, tout mon travail en tant que mère geek, voilà, parce que j'ai bien tryhard, et puis voilà, aussi toutes les réformes que j'ai pu proposer. Oui, c'est vrai, alors il y a cette histoire, vous revenez sur cette histoire du collège Jean Moulin. Anciennement Jean Moulin, oui. Puisque aujourd'hui c'est le collège Jiraya, voilà. Ça ressemble un peu. Mais ça a fait un petit peu polémique quand même à l'époque. Oui, c'est vrai qu'une association d'anciens résistants m'est un peu tombée sur le coin du bec. Mais il me disait, oui, c'est irrespectueux tout ça. Mais moi, je ne me suis pas laissé démonter, rassurez-vous. Je leur ai dit, OK, boomer, voilà. Oh. Eh oui, je suis comme ça, voilà. Très bien. Mais bon, quand même, c'est légitime parce que bon, le Jean Moulin, c'est la résistance. Oui, mais Jiraya, c'est la calve. C'est la calve à Gigi, hein. Ouais, c'est le vrai. GOAT. C'est vrai, c'est masterclass vrai. Sur masterclass. Donc voilà. Je vais pas m'excuser voilà, d'être fan de contenu vidéoludique. C'est ça qu'on dit ? C'est ça qu'on dit. Bon, écoutez, c'est juste que voilà, si on vous pose toutes ces questions, c'est qu'on pourrait se dire un peu à la manière de notre président Emmanuel. Madame Macron ? Oui. Mec super, brillant. Oui, bien. Brillantissime. On dirait que vous forcez un petit peu le côté gamer pour plaire à une certaine jeunesse. Là. Oh là là là là, Florent, je peux vous appeler Florent ? Toujours. Je choque, Florent, excusez-moi. Non, inadmissible. Clipez ça dans le public, hein. Florent, je vais vous ban. Je peux vous appeler Florent ? Oui, vous pouvez, okay. Ils peuvent pas clipper. Ouais. Ok. Non, mais attendez, vous savez avec qui vous avez affaire là, hein ? Un abonné Game One depuis plus de 10 ans. Wow. Marcus, un très bon ami. Ok. Je me déguise très souvent en Naruto avec mes fils. On peut l'applaudir, merci. S'il vous plaît. Une Brésilienne, sans transition, une Brésilienne a accouché de jumeaux qui ont une particularité très rare, vu qu'on parle d'un cas sur 1 million. À votre avis, quelle particularité ? Ils n'ont qu'un nez. Pour deux ? Oui. Ils sont reliés par le nez. Ah, ils sont reliés par le nez comme des siamois. Siamois du nez. Alors, pas du tout. Ils ne se ressemblent pas du tout. Genre des faux jumeaux, par exemple ? Voilà. Il y en a plus qu'un par million, Simon. Effectivement. Il y en a au moins 7. Est-ce qu'ils ont tous les deux une particularité physique qui est très rare ? Oui, c'est une très belle question. C'est vrai. Je me débrouille. Hein. C'est pas son premier flot. Il y en a un, ça serait par exemple un enfant de la Lune et l'autre, un enfant du Soleil. Qui parcourt la Terre, le Ciel ? Ben, un tout petit peu, oui. Ouais, j'imagine. Alors, ce n'est pas ça et ce n'est pas une particularité physique. Merci. Particularité mentale. Pas mental non plus. Particularité physique, du coup. Ouais, c'est l'un ou l'autre. Donc, pour moi, ils ont le même prénom. Ils sont nés avec le même prénom. Tatoué sur la jambe. Oui, ça sera incroyable. Une marque de naissance où il y a le prénom, c'est vraiment très rare. Ouais. Non, ce n'est pas ça. Mais attends, c'est hyper dur. Ah si bah, c'est le podcast à l'Olympia. Est-ce qu'ils sont sortis en même temps? Oui. Est-ce qu'ils ont une maladie très rare tous les deux? Alors, ce n'est pas une maladie très rare. C'est une particularité. Mais c'est quelque chose avec leur effectivement avec un peu leur ADN quelque part effectivement. Donc c'est pas une maladie mais c'est en eux. Ah. Ils n'aiment pas la coriandre tous les deux parce que c'est l'ADN qui détermine ça il paraît. On l'a découvert à leur naissance. Non, c'est pas ça. Ouais, s'il te plaît. On l'a découvert à leur naissance ou on l'a découvert plus tard? Très bonne question, André Spiro. Effectivement, on l'a su après. Merci. Il y a quelqu'un. Merci. Ah, tu es venu avec. Merci. Tu es venu avec quelqu'un. On l'a su. Ça t'embouche un coin. Ouais. C'est vrai que t'as le coin tout embouché là. Ouais, tout bouché du coin. Ouais. Non, on s'est rendu compte 16 mois après. Bon. 16 ans. 16 mois, moi. 16 mois. Toi, ça reste fou, hein. Ouais. 16 mois après, ça marche peut-être. Mais ça n'est pas arrivé d'eux-mêmes. Il a fallu faire quelque chose de la part de la mère pour se rendre compte. Ils sont nés dans des œufs. Et 16 mois après, elle a cassé les œufs pour qu'ils sortent. Après, c'est vrai que t'as pas dit que c'était des humains. Ouais. Donc c'est... Oh, j'aurais pu vous. Ah, oh là c'est là, vrai. C'est ce clairement des humains, évidemment. Parents de Komodo. Ah, non. Ouais, non. Donc ils n'étaient pas dans des œufs, non. Ils n'ont pas été recréés avec de l'ADN de grenouilles non plus. Mis dans un parc, c'est Jurassic Park. C'est leur ADN. C'est avec leur ADN. C'est dans leur ADN. On a vérifié un truc dans leur ADN et c'est un cas sur un million. Est-ce qu'ils avaient des ailes de chauve-souris, par exemple? Mais non, mais. Oui, non, c'est vrai, ce serait fou. Oui, oui. Non, c'est pas c'est ça. Très malin. Après, c'est pas c'est... pourquoi pas? On peut considérer que c'est une particularité physique d'avoir des ailes de chauve-souris. Eh. Sans vouloir chier. C'est pour me sabrer tout le temps, t'as qu'à sortir pas ton, du ton vrai sabre. J'essaie de driver un peu. Ils ont pas le même ADN? Oh, on n'est pas loin là sur Audrey Pirot. Oh, ils n'ont pas le même ADN. Ah, alors oui, c'est ça. Je l'ai redit. Ouais, tu l'as redit. Moi, j'ai peut-être une proposition. Ouais, vas-y. Ils n'ont pas le même ADN. On n'est pas loin. Ah, les gars, on n'est pas loin. C'est vraiment ce que j'ai dit. Vous êtes tous les trois pas loin. C'est vraiment ce que Ah. Je crois Simon, que je l'ai. Tu l'avais pas vraiment dit comme je ça. Je crois Simon. Que je l'ai. Ils font du breakdance. Eh ben oui, pourquoi non. Non. Ils n'ont pas d'ADN. Si. Ça aurait été. Mais je l'ai pas du tout. Est-ce que c'est genre, ils n'ont pas d'ADN commun avec leur mère? C'est pas le même père. Très bonne réponse d'Audrey Pirot. La jeune femme de 19 ans a accouché de jumeaux de pères différents. Un cas est... Oh, oh. Un cas plusieurs partenaires sexuels. Oh. Perdre son pucelage avant 23 ans. Oh. Ouais. Pour moi que tu dis ça? Non, je rien à voir. Rien à voir, d'accord. On est même équipe, Adrien. Oui. Ami ennemi au fond de la mélodie, toi et moi, je te rappelle. Bien sûr. Un cas extrêmement rare de super fécondation hétéroparentale, le terme désigné pour ce phénomène scientifique. On parle d'un cas sur un million. Pour le site brésilien, la maman des nourrissons a témoigné anonymement. J'ai été étonné des résultats. Oui. Oui, j'imagine. Oui. Les pères aussi, je pense. Si t'as pas été étonné, tout le monde, en fait. Qu'est-ce qui t'étonne? Je ne savais pas que cela pouvait arriver. Ils se ressemblent beaucoup. Je me suis souvenu que j'avais eu des relations sexuelles avec un autre homme et je l'ai appelé pour passer le test qui était positif. Aujourd'hui, les jumeaux sont âgés de 16 mois et seul l'un des deux papas a reconnu les deux enfants auprès de l'état civil. Oh, oui. Chic. Il m'apporte tout le soutien nécessaire pour prendre soin d'eux, révèle la jeune femme. De son côté, le médecin... Alors attention... Tullio Jorge Franco indique... Bon, j'en sais rien. Il est italien, visiblement. Ouais, je sais pas faire le brésilien. Tullio Jorge Franco. Non, carrément un personnage qui parle, c'est très bizarre. Oh, Tullio. Très bizarre. Oui, bah ouais. Personnage très magnifique. Que ce cas extrêmement rare pourrait être le 20e enregistré dans le monde. Cela peut se produire lorsque deux ovules de la même mère sont fécondés par des hommes différents. Les bébés partagent le même génétique de la mère, mais ils grandissent dans des placentas différents. Évidemment. C'est très rare. C'est très rare. Incroyable. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que les deux rapports soient vraiment très proches en termes de... L'histoire ne le dit pas, mais je pense qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de temps entre les deux. Bah, il peut y avoir 15 jours. Excusez-moi. Oui. Je suis... Mais vous sortez la tête de tout ça. Vous êtes mère de famille. Oui. Voilà, c'est récemment. Ça. Récemment. Mais non, mais si, c'est à 15 jours. Parce que par exemple. Ils ont fait deux fois l'amour en 15 jours. 15 jours. Ouais, non. Mais... Oh, fake news. Fake news. Impossible. Autant les deux jumeaux qui n'ont pas le même père, j'achète. Mais là. Mais non, voilà. C'est de la SF ou. Oh non, mais pensez-moi. Non, mais vérifie tes sources, Florence. Oui, c'est vrai. C'est le Gorafi. Quoi? Non, mais si, ça me semble... Ça me semble, ça peut exister. Bah, de toute façon, ça existe. Il n'y a pas de... Donc oui, toi, c'est vrai que tu es jeune maman. Oui. Audrey, très jeune maman. Est-ce que la grossesse s'est bien passée? À merveille. À merveille. J'ai eu ce bonheur. C'est vrai. Est-ce que tu as... Est-ce qu'il t'est arrivé des petits trucs un peu... Alors, relou, j'imagine que oui, c'est plein de gens. Mais moi, j'ai accompagné également récemment une jeune femme à accoucher. Ma meuf, hein, rassurez-vous. Ouais. Précise-le, je t'en supplie. Ça fait ultra non, des peur, meufs enceintes viennent sonner chez moi, accompagnez-moi, aidez-moi. Non, est-ce qu'il y a eu un moment gênant pendant ta grossesse, un truc un peu relou? On en a parlé avant, je vous rassure. Oui, hein, c'est, pas, ça, oui. C'est pas un piège. Hein, c'est, oui. On en a pas. Raconte oui. L'anecdote que tu lui as dit tout à l'heure pour préparer l'émission. Oui, oui, oui. Ah, c'est des petits couteaux, mais bon, oui. Après, il met un peu de beurre. Donc, oui. Mais c'est, on partage un vrai moment d'intimité. Hein, mais... okay. Donc je suis à 15 jours d'accoucher et je me dis, bon, puisque tout le monde va voir ma boîte de jazz, autant... Il faut dire que c'est Michel Jonas le père, donc... C'est le meilleur terme. Bah, bah, je vais le noter. Je me dis, si en plus il arrive un pépin, etc., et qu'on doit me recoudre, enfin, je sais pas, je pense à la fois au médical. C'est des choses qui arrivent. Voilà, autant que ce soit tout bien, quoi. Et du coup, donc, je vais chez l'esthéticienne. Et quand j'arrive, déjà, l'esthéticienne donc, me dit, bon, allez-y, installez-vous. Et elle fait rentrer une stagiaire. Oh. Ah, alors là, je suis bon. Bah, chacun doit apprendre son métier. Donc... Une stagiaire de troisième ou une stagiaire non, normale non. Okay, non. Stage d'observation. Pour la précision de l'histoire, je demande. Troisième. Oh mon Dieu. Bonsoir à tous. Et du coup, je peux pas dire non. Elle apprend son travail. Je me dis après tout, je suis un cobaye quoi. Et donc, j'ai entendu un cowboy. Ouais. Un cobaye. Et donc je m'installe et tout, donc j'ai un gros ventre, vraiment un gros ventre, et je n'ai pas visuellement accès à ma boîte de jazz. Bien sûr, bien sûr. J'ai pas vu sur l'entrée quoi. Mais bien sûr. Et oui, tu sais pas s'ils ont ouvert la grille, tout ça. Non, t'as pas. J'ai un petit rideau de fer ou un truc. Ma boîte depuis déjà bien 3 mois. Il y a deux videurs peuvent t'aider, mais c'est tout quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, donc je lui explique ce que je souhaite comme type de musique. Ouais. Non, mais comme épilation. Comme devanture. Comme épilation. Ouais. Et en fait, dans ma tête, ma demande d'épilation est extrêmement claire. Et ça fait depuis toujours que je m'épile. Donc j'estime qu'elle a un aperçu quand même de la situation. Enfin, le projet me semble assez clair. Si on parle si on dit sur un visage, par oui, exemple, oui. On est plus sur une petite moustache, oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire voilà. Qu'on dit, en dégageant peut-être la bien barbe. La barbe, ouais, voilà. Mais gardons un côté. Oui, bonsoir. Un petit côté Zorro. une petite moustache de Zorro. Gardons quelque chose. Gardons quelque chose. Et donc voilà, donc je suis installée et puis elle galère. Alors je pense à la stagiaire, je me dis elle apprend mal, elle va rien. Elle va jamais avoir son année. Ouais, je me dis mais là c'est ni fait ni à faire. Et en fait donc elle, c'est chaud et tout, mais bon, et elle, je sens des bandes à des endroits que j'ai l'habitude. Il y a une bande, c'est pas souvent que je la sens là. Je n'ai pas cette... Oui, t'as quand même une petite carte Yves Rocher, tu connais. Moi, et je là, connais. Je connais. Attention, ah, c'est pas Yves Rocher. Ah, je peux pas te laisser dire ça. Excusez-moi. Parce que Pauline s'occupe de moi depuis maintenant 17 ans. Qui est là-bas d'ailleurs, qu'elle t'applaudit depuis tout à l'heure. Donc non, je peux pas te laisser. Si elle écoute, elle va pas s'en relever. Donc non. Et donc là, c'était pas Pauline. Évidemment. C'était la stagiaire. Là, j'allais voir quelqu'un que je ne connaissais pas. Bien sûr. Et donc, elle met cette bande qui est... Ah, tiens, qu'est-ce qui... Bonsoir. Moi, j'essaye de deviner où, mais il y a trop de possibilités. Non, bah, disons plutôt rapport à la moustache. Ouais. Ouais, je suis perdu dans l'analogie m'a perdu, mais... Et donc voilà, donc elle, bon, et, je me dis c'est curieux. Il y avait des photos, non? Ouais, attendez. Attends, ouais. Parce que là, en vrai, franchement, je vous jure, rien que pour mes meilleurs amis, j'aurais aimé prendre en photo ce qui va se passer. Et bizarrement, je sens que normalement, il y a des endroits où elle devrait passer où je ne sens pas la chaleur. Ouais. Étonnant. Mmh. Alors je me dis, mais ça, c'est très bizarre. Et puis elle me dit, et voilà. Aïe, aïe, aïe. Je me dis, voilà pas. Non, c'est pas. Bah, quand même, je connais l'histoire, donc oui. Non, je la connais, cette boîte de jazz. Ouais. Pas la première fois que tu y vas. Bah, oui. Et du coup, vu que je n'ai pas de visu, j'essaye de toucher. Oui, parce que tu es enceinte, tu peux pas voir ce qui se passe. Non, je suis enceinte, j'ai accès par là. Et je me dis. Ils mettent pas un miroir comme chez le coiffeur? Bah, attends. Mec. Ça vous va? Elle devrait. Je oui, bah oui, oui. Sache que je l'ai demandé parce que ma main sent un projet lunaire. Je me dis, c'est impossible que je ressente ce que je suis en train de ressentir. Je demande un miroir. Je dis, excusez-moi, donc est-ce qu'on peut m'apporter un. Et là, le sourcil voilà. D'Obispo. La canne à Gigi. Et là, elle m'apporte le miroir. Ah. Et je vois ma boîte de jazz flinguée. Taguée. Elle avait tagué la boîte de jazz. Elle avait absolument tout retiré, sauf un collier. Ah, Robert Hue, donc. Camaro ou Robert Hue, je sais pas. Du coup, je lui dis, bah non, bah, là, ouais, pardon, pour mais... Pour des raisons évidentes. Non, mais là, je lui dis, madame, mais quel est ce projet que vous avez fait? C'est une proposition hyper bizarre. Elle me dit, ah bah oui, moi aussi, je trouvais. Bah oui. Personne ne te demande cette épilation-là non. dans le monde. Non. Ça n'existe pas, c'est pas bonjour. Ma vue, je ne fais pas de jeu de rôle. Enfin, non. Non, un collier de tâches. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, elle finit par tout me retirer, puisque là, je lui dis, bah là, on va pas rester ouais. comme ça. Elle me retire tout, et elle se veut gentille quand elle me dit, en tout cas, sachez que je ne vous ferai pas payer l'intégrale. Je dis, bah oui, oui, ah, madame. On peut je la remercier. Suis dévastée. Bravo, petit geste voilà. commercial. Ouais, sympa, sympa. Voilà, c'était mon histoire. Très de... belle histoire. Mais c'est très particulier, ces séances. Non mais en vrai c'est trop bizarre. Les séances grossesse et tout, moi j'ai alors elle est dans la salle donc on va pas être très précis, je me permettrai pas, mais moi j'ai accompagné ma compagne sur certaines de ses visites. Il y a un truc très bizarre quand tu vas voir le gynécologue pendant le truc au début, tu vois, pour voir si tout se passe bien. Bah voilà, il s'occupe de ta meuf pendant que t'es à côté quoi, donc c'est déjà une ambiance quoi. Enfin, il se passe quelque chose. C'est mais le gars il était adorable hein, vraiment pas un mot plus au Claude, ouais. Comment ça va? Non. Et ce truc qui était très bizarre, c'est que c'était dans son bureau et donc il y avait des photos de ses enfants partout. Ah, je croyais des photos des autres meufs avant. Je fais, ah bon ? Oh, oui, d'accord. Ah, oui. Le collier de barbe, là, je la connais. C'est une très bonne amie. C'est vrai, il y a un peu un truc. Et après, t'as la rééducation du périnée, qui ça un truc fou. Rééducation du périnée, si vous savez pas, c'est qu'en gros, bah, après accouchement, disons que là, c'est les journées portes ouvertes dans la boîte de jazz. Ouais. Les portes sont battantes. Sont battantes. Ouais, voilà. Les portes battantes. C'est vrai, c'est entrée libre. Voilà. Oui. Et donc du coup, ils sont obligés. Enfin voilà, il y a des exercices. Ouais. Spoiler hein, pour les s'il y a des nanas. C'est des exercices pour refermer tout ça quoi, pour oui. que voilà, pour que ça se. Fais-nous un mime, mais mets-toi là si tu ouais. veux mimer. Vas-y. Je suis nul en Time's Up. Bon, voilà. Et en gros, elle fait faire. Enfin la personne fait faire des exercices genre comme une bouche en fait. Et c'est la personne, la meuf dit ça. Comment, hein, comment disant, bah par exemple, elle fait siffler. Mais non, mais attends, mais non. Si ? Non. Après, non, mais ma meuf n'a pas sifflé. L'intro de Winds of Change de Scorpion. Non, fausse note. Non, non. Fausse note pour j'ai, recommencer. J'ai sorti un briquet comme ça. Of Change. Et non, mais t'as le pont-levis. Oui. Ah, pont-levis, tu l'as eu. C'est non, vrai. Mais quoi ? Attendez, quoi ? Bah, le pont-levis, c'est. Tu dois imaginer. Que tu remontes un pont-levis avec ton vagin. Mais c'est le puits du fou ou c'est... Ouais. C'est quoi ? Le puits de la foune. Oh ah. Eh bien, quelle meilleure façon de passer à la suite ? À Mantes-la-Jolie, un homme a été victime d'une attaque animale qui, depuis, l'empêche de marcher correctement et lui causerait de fortes douleurs à la nuque. À votre avis ? Ouais. Attention, c'est le feu de casse, mais quand même. Ouais, okay. C'est vrai. À votre avis, que lui est-il arrivé ? Une chauve-souris ? Non. Un pigeon ? Un alors, animal volant ? Un animal volant ? Un oiseau ? Oui, okay, calme-toi. Non, tu as dit une partie de la réponse, effectivement, c'est lié à un pigeon. Il lui a picoré la nuque. Non, non, non, pas du tout. Il a joué aux échecs, il lui a piqué. Il a fait son nid. Il était dans le coma, il s'est réveillé, il avait un nid de pigeon là. Il a fait, bah, je vais pas les déranger. C'était quoi la blessure? Il a été blessé à la nuque. Voilà. Oui, il a, ah, ouais, d'accord. tu mais... répètes donc la même chose. Le non mais est-ce que tu as des précisions sur le type de blessure? Ouais. Est-ce que c'est les osseux? Est-ce que c'est une plaie? Je suis incapable de différencier un mammifère d'un autre animal. C'est vrai. Si tu alors bah non, c'est le cubitus. Non, j'en sais rien. Non mais il a été. Il y a une plaie par exemple? Non, il n'y a pas de plaie. Ça a été un choc brutal au niveau de la nuque. D'accord, si donc c'est. Okay. Et depuis, on lui a prescrit quand même plusieurs jours d'ITT. Est-ce que c'est un pigeon? Bah enfin. Est-ce que c'est un pigeon qui est mort et qui lui est tombé sur la nuque? C'est ce que j'allais dire. Alors tu t'approches. Je cherche de la connivence en fait. Quoi? Je cherche de la connivence. Ah oui, d'accord, ok. Bah j'ai pas fait une croix sur Victor saison 2 totalement donc. Alors non, il est pas décédé. Et mais tombé sur la nuque, mais il a fait un malaise vagal. Le pigeon? Ouais. Et après il a fait ok, c'est bon, je vais. Grosse journée, burn-out de pigeon. Est-ce que l'homme. Titre de l'épisode, burn-out de pigeon. Trop de pression sociale. Ça. Est-ce que l'homme portait un vêtement ou quelque chose sur lui qui a trompé l'œil du pigeon? Genre il croyait que c'était. Genre il avait un bob motif ciel, et le pigeon a fait. C'est le ciel là. Je fonce vers le ciel. Oh mon Dieu, c'est un bord. Oh, c'est la nuque d'un gars. Il lui a fait caca sur la nuque et son caca acide a rongé la peau de cet homme, de ce pauvre homme. Non mais ça lui a fracturé la nuque. Une fiente acide. Oui mais c'est un choc, il a dit. C'est sûr que c'est ça. Bah alors... ça peut être un choc si le projet est énorme. C'est le scaphandre et le papillon, ça je crois. C'est ça. Est-ce que c'est un chasseur? Alors attendez, ce n'est pas un chasseur. Mais Mine avec son histoire de merde acide, Audrey n'est pas si loin. Alors monsieur. Tout le monde me déteste en fait là. C'est l'influence de Simon, c'est incroyable. Non, en gros c'est lié à du caca. Voilà, vous allez être surpris. Est-ce que forcément c'est le floodcast, c'est toujours lié au caca une fois sur deux. Est-ce que c'est le caca du dit pigeon? Oui, non, c'est pas le caca. C'est pas un autre caca qui serait tombé d'ailleurs. Non, c'est pas le pigeon qui a pris un caca. Ouais, et qui l'a jeté sur le mec. Oh, qui se l'est mis sous l'aile comme ça, on va voir ça pour plus tard. Est-ce que le mec a fait caca sur la personne? Que le mec a essayé d'esquiver le caca et il s'est cogné ou... Ah, genre dans une épreuve de breakdance par exemple. Oui, par exemple, il a comme ça. Alors non, c'est plus con que ça malheureusement. Il a glissé sur son caca, il est tombé sur la tête. Oh brûlant, le caméra caché juste pour rire. Non, c'est pas ça. Il aurait glissé sur son caca, sur sa nuque. Comment? Il est tombé sur sa nuque, mais vous êtes pas loin, je vais vous l'accorder en vérité. Attends, il est tombé sur sa nuque. Non, le caca est tombé sur sa nuque. Mais attendez, c'est exactement. Enfin là, il y a 3000 personnes. Oui, mais il y a une suite, Il n'y a pas Robert Wurtz dans le public d'Interville qui va. Il s'est perdu sur Robert Wurtz, je comprends. Ouais, c'était précis. Il y a un effet domino, que j'imagine, quoi. Il y a un petit effet domino. Il y a un effet papillon, c'est Benabar. C'est pas si loin. Il fait caca dessus? Non, il n'a pas fait caca dessus. Il était en voiture? Le pigeon? L'homme. Oui, non, l'homme n'était pas en voiture. Il était à pied. Il se baladait sur l'avenue. Pour voir ce que c'était, il s'est. Non, effectivement, la merde lui tombait dessus, mais d'une certaine manière. Mais on peut trouver. Bah, vous êtes pas loin, mais j'ai envie quand même. À toute vitesse. Dans l'œil. Oui, à toute vitesse. Sur la nuque. Sur la nuque, comme ça. Il a cru que c'était un. Non, il a pas fait ça, justement. Il a cru que c'était un insecte. Non, c'est vraiment. C'était très chaud. C'était un caca brûlant. C'était ni acide ni très chaud. Est-ce que au contraire. Est-ce que le caca a changé de texture à cause du temps qu'il faisait dehors? Alors, on n'est pas loin. Il s'est gelé. Alors, très bonne. Et ça lui a coupé le cou. Alors, ça lui a pas. Ça l'a guillotiné, plus ou moins. Un grêlon de merde, du coup. Une sorte de grêlon. Peut-être un astéroïde de merde. Mais en fait. Ça, ouais. c'est du caca qui a gelé. En fait, qui a séché avec le temps, tout simplement. Il est passé sous un arbre. Il était à quelle hauteur, le pigeon? Ah, donc ça prend le temps de. Ah, ça se passe à l'Empire State Donc, Golding, c'était quoi. Genre un pigeon un peu vicelard qui avait chié quelque part en disant. Un jour, ça va tomber sur ce mec parce que je l'aime pas. Dans ses ailes comme ça. C'est Ville Coyote, le pigeon. Je sais pas si vous vous souvenez. Non, je pense qu'il a pas fait exprès. Je pense que c'est malheureusement pas de bol pour le monsieur. Tu dis, le pigeon n'a pas fait exprès. Je pense. Ouais. En fait, je suis woke pour moi. Pour moi, le pigeon est innocent, mais après. Non, alors je vais vous expliquer l'histoire. C'est une histoire très jolie. Alors, Saïd est un habitant de la région parisienne et samedi 16 juillet 2022 à 14h, il se rend dans son bar favori, le Diablotin de Mantes-la-Jolie. Voilà, qu'on embrasse. De quoi passer une bonne journée, d'autant que le soleil tape sur la terrasse de l'établissement. Bon, là, il y a un petit peu de storytelling qui n'est pas obligatoire à l'histoire, mais. Oui, mais ça contextualise, ça répond bien aussi, on peut se projeter en fait. Non, mais le soleil, ça indique que ça a séché et tout, donc c'est. La seule ombre vient de la tour Saint-Maclou, située juste à côté. Ouais, bien pareil, sûr, ça c'est pas très... super indispensable. Hein. Si, parce que la hauteur. Oh, waouh. Ah ouais, mais mec. Et oui, il y a ceux qui font des Mickey énigmes, ils prennent tout là, tu vois, ils sont. Tout à coup, il reçoit un énorme coup sur la nuque. Dans un premier temps, il pense à une blague d'un ami qui lui aurait mis une claque sur la nuque. Pas du tout. Et oui, c'est Knives Out, là, on est sur autre chose. L'homme vient de recevoir une fiente de pigeon séché qui est tombée depuis le haut de la tour, une chute de 6 à 7 mètres de haut qui fait des dégâts. La fiente séchée a créé une boule de 500 grammes environ. Quoi ? Grosse comme un ballon de handball. Non, mais je pense que le pigeon, il était constipé. Le truc a pas séché sur 6 mètres, c'est impossible. Non, ou alors... Non, pardon, de débunker. Non, ou alors c'était un endroit où tous les pigeons allaient chier. Ah oui. Non, mais si, c'est plus probable. Une sorte de chiotte, une chiotte de festival de pigeons. Et donc... Et donc quoi ? Bah du coup, il y a beaucoup, beaucoup de caca mélangé. Amas, et après, pas de chance. Ouais. C'est comme de la terre glaise, tu vois, quand tu vois, ça devient dur. En fait, ce serait un amas de caca sec qui se serait détaché d'une... C'est exactement ce qu'il a dit, en fait. C'est ça ? C'est insupportable. Simon. Ça a commencé l'émission, Simon. Il a un comportement, c'est insupportable. Il y a des gens, hein. Ouais, c'est pas blindé. Hein. Moi qui l'ai fait deux fois déjà. Ouais. Alors, on va raconter. Tes sketchs d'impro, là ? Ah, à la boulangerie, le pain est trop cher, allez-y. Vous nous roulez de la farine ou quoi ? Oui, bravo. Les gens adorent ça. Tu chies sur la France, Adrien. Moi, j'étais parti Saïd. Avec toi, là. Dans la boulangerie. T'allais enchaîner ? J'allais t'acheter du pain. Hey, bonjour, monsieur la boulangerie. Oui. Du jeu, mec. Du jeu. C'est pas que des blagues. Moi, je vous couperai jamais. C'est aussi créer des choses. Tu vois, non, mais j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup. Donc, Saïd dit, je ressens des fourmillements au bout des doigts. Eh oui, depuis le choc de la merde. Eh oui, il est comme ça. Depuis que j'ai pris le coup, et surtout depuis deux jours, j'ai du mal à marcher. Mon pied ne suit plus la cadence. Non. C'est pas une chanson. Quel rapport avec le pied ? Non, il invente. C'est le cerveau. Oui, ça a tapé. Non, il fait... Le cerveau, c'est pas dans la nuque, hein. Pardon. Il fait des simagrées, je pense. Ah, moi, j'ai fait un baquel, hein. J'en sais rien. J'ai perdu la sensibilité de la jambe droite. Un nerf a dû être pincé, c'est très bizarre. Non, bon, allez. Un nerf a dû être pincé dans la nuque. En attendant, le médecin lui a prescrit 3 séances d'ostéopathie. Une situation pas évidente, j'ai du mal à marcher, j'ai l'impression d'avoir un handicap. Il cherche désormais à savoir comment ça a pu arriver. Moi, je veux savoir qui est responsable de ça. Qui est l'exemple ? Peut-être la personne qui, le matin, allait dans un bistrot, peut-être. Peut-être que c'est lié aussi. Mais en fait, c'est un pigeon qui dit « Arrête de boire, Saïd. » Tu vois, au final, je te chie dessus, mon pote, si tu continues à picoler. Ouais. De son côté, la mairie est allée constater la mésaventure auprès des propriétaires du bar et assure que la tour a été nettoyée il y a moins de 2 mois. Donc ça veut dire que... Attendez, mystère. C'est incroyable. Ah là, ça, le mystère. Mystère et boule de crotte, il vient ouais, de dire. Ouais, pas mal. Est-ce que vous avez déjà été emmerdé par des animaux, genre, est-ce que vous avez... Toi, Audrey, par exemple, je sais que t'as une phobie des araignées. Bah non, pas du tout. Non, mais... Non, mais des grosses. Les grosses. Ah, ok. Clairement pas. Doucement. Et tu as fait Fort Boyard, pourtant. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Alors, comment ça s'est passé ? En fait, je fais une épreuve. Parle bien. C'était grâce à Flo, de Big Flo et Oli, que j'ai participé. Attends, à ce jeu. On parle du plus grand Flo qui existe. Ouais. Ah, c'était pas un petit celui Flo. Celui que vous avez eu en invité. Oui, d'accord. Il est gigantesque, je peux témoigner. Ah, c'est le plus gros gigantesque Flo que j'ai jamais vu. Et en fait, je fais l'épreuve Je viens de comprendre, pardon. C'est ultra marrant. C'est ultra marrant. Ça prend du rapprocher, hein. Putain, mais t'es une mitraillette à vanne, en fait. C'est incroyable. Non, mais vous vous rapprochez de plus en plus, en fait. C'est barre sur barre de rire. Mais oui, vous êtes cool. Deux potes pour moi. Non, mais on va finir par être potes. À la fin de ce truc, on est potes. Bah, c'est ça du truc, vous baisez même. Les gens ont payé, hein. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc, Audrey, tu as fait Fort Boyard. On repart du début, quoi. Non, il y avait Big Flo. Non, et donc, allez, je fais l'épreuve des araignées. Et moi, je veux savoir à la fin. Je veux les voir. J'ai une question, excuse-moi de t'interrompre 2 secondes. Oui. Est-ce que c'est vrai que tu remplis un questionnaire avant et que tu indiques tes plus grosses phobies et qui te font faire, du coup, le truc le plus horrible pour toi ? Ouais. Et donc, ils me font aller avec les migales. Et je pense que je peux toucher les migales au départ parce que, bon, j'aime pas les araignées, mais je me dis... Bon, ça va pas... C'était le soir ou le matin ? C'était le soir, pleine nuit. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, je rentre. Bon, déjà, je dis beaucoup d'insultes. Et donc, je suis là. Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Et j'essaye de... Tu reculais avec un camion, c'est ça ? J'ai pas compris. Pas mal. Moi, je veux que ce soit validé par Simon à chaque fois. Va. Ok, top. Et en fait, du coup, ce qui était marrant, c'est que j'ai attrapé... Ce qui était marrant. Moi, j'ai jugé ma propre histoire. Ben non, mais c'est... Je me suis dit, ok, j'arrive pas à les toucher, mais il nous faut l'indice. Donc, je me suis dit, comment faire pour avoir l'indice sans toucher? Ah, un peu de jugeote. On est bien attrapés, là, pour l'instant. Et du coup, en fait, non, j'ai pris les ustensiles du décor et je les faisais monter avec les ustensiles de décor, mais je pense qu'ils n'avaient jamais pensé que quelqu'un allait faire ça. Donc à un moment j'ai attrapé. T'as détaché une pièce. T'as détaché une pièce du décor. Oui, j'ai attrapé des petites feuilles et je les faisais grimper comme ça pour pas les toucher. Oui, bah, ça va, c'est fair play, je trouve. Oui, c'est fair play. Je te le cède. Bon, moi je valide. Et du coup comme ça je n'ai pas eu à toucher les. Et t'avais le droit. Les migales. Ouais. Bah si, bah, si c'est des migales. Mais en tout cas ils nous ont accordé le truc. À la fin ils ont dit normalement il n'y a pas le droit. Mais j'ai senti que. Et le père Fouras qui était là mollo là oh. Ouais. Voilà ça. Je le tiens. Ça marche mieux. C'est con, j'ai pas de. Non mais j'ai pas de clé. Parle un peu, crée une situation. Oh. Et faut imaginer des clés aussi. Bien ouais, sûr. Ouais, ouais, mais. Ah, si j'ai des clés, ça aurait été. Tu le tiens bien. Ouais, mais déjà, moi, je l'avais. T'as jamais fait, toi. T'as jamais fait, toi, Formel. Non, moi. C'est un truc que tu pourrais faire ou. Non, je suis pas assez connu. Ah, ok. Arrête. T'as pas regardé Fort Boyard récemment, Simon. tu peux y aller. Oh. Il y a eu un haut de rappeur. Oh, il a clashé Fort Boyard. Oh là, le salaud. Non, mais c'est pas un challenge qui te plairait. Non. Non, pas du tout. Je vais sortir deux rames et puis je vais... Non, non, mais ici, enfin, j'aimerais bien sauter dans le vide, mais pas... Mais tu l'as fait, ceci dit, pour un tournage. Hurlant. Oui, c'est vrai. C'est ça. Donc, voilà, mais parce que là, c'était challengeant. Et c'était super. Mais là, comme ça, j'aurais... Non, je sais pas. Ça me ferait très peur, je crois. Mais ouais, à la base, c'est vraiment un jeu qui est créé pour que les gens se confrontent à leur pire phobie et mais contre leur gré en plus. Quoi ouais, c'est ça. Contre leur gré en plus. C'est ça. Parce qu'ils leur disent, dites-nous de quoi vous avez peur et du coup on ne vous mettra pas et ils le mettent exactement ça. Donc c'est vrai donc, que c'est... Cancel c'est... pour moi, on Fort Boyard. On est en train de cancel le deuxième père pétition, le Squid Game et oh, Fort Boyard. Oh, je suis cancel. Oh. Mais ouais. Il est bien. Non mais parce que typiquement moi je comprends pas, enfin, peut-être ils l'ont coupé au montage, mais moi j'ai pas spécialement, moi les serpents j'aime pas trop, j'ai peur, enfin je pourrais avoir un réflexe d'écraser tout bonnement un serpent avec le talon de ma pompe quoi. Ben moi je connais quelqu'un, un humoriste connu. Arnaud de sa mère. Non, non absolument pas, c'est carrément lui. Non non c'est pas lui du tout. Pas lui. C'est lui. C'est un peu lui. C'est lui. Il fait des matchs d'impro ce... Non c'est pas lui et il était tellement, enfin c'est un lui. Ami était tellement flippé des araignées qu'il a dit si j'y vais. Ah oui, Jérémy Ferrari. Je les tue. Mais non. Je les et tue. Il les a tués. À coup de patate. Et donc du coup ils ont dit bah du coup n'y va pas. Mais je crois oui, et je crois que Christophe de Chavannes a dit si vous me mettez vers le père Fouras, je mets une patate. Pareil. Si je suis devant le père Fouras, je le surine avec un petit couteau. Je casse la vitre, je le plante avec un bris de verre. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je saigne. Coucou, c'est nous. SOS. Mais attends, refais-le. Oh. C'est Depardieu en fait. Ah oui. Oh ma coude. C'est la même voix. Toi, Simon, t'as jamais eu une mésaventure sinon avec un animal Parce que je sais que t'as un petit jeu. Ouais, ouais, j'ai t'avais un jeu. T'avais un petit jeu. Avec mon ami d'enfance, Alban Lenoir, on a un jeu depuis des années. Et en fait, on se prend en photo, en selfie, avec un animal dangereux derrière. Et voilà, on l'a fait pendant des années. Et c'est vrai que c'est monté doucement. Et à un moment donné, on s'est arrêté parce qu'on s'est vraiment arrêté à la photo de lui avec un requin citron. Pardon, citron ? Oui. Ah ouais, j'ai jamais entendu. Pas un fruit, hein. Arrête. Arrête tes conneries, imagine un peu. Imagine. Et un fruit, ça nage pas dans la mer. Hein. Ouais, non. C'est vrai. Mais tu peux avoir des pépins. Tu peux avoir des pépins. Et pourtant, il y a des fruits de mer. Oh, joli. Allez, ah, ça. C'est... Maman s'est arrêté, lui, avec un citron, et moi... Et toi, alors, on a le visuel. Oh. Tu es avec un serpent. Avec un cobra dressé derrière moi, oui, exactement. Magnifique. Que tu as tué ? Non, non, je le filmais pour un téléfilm que je réalisais qui était vraiment nul à chier. Dis-toi, t'avais besoin de le dire, je crois. Dégueulasse. Et t'es devenu un peu Christian Clavier, c'est dégueulasse. Il n'était pas OK, tu veux dire. Non, il était vraiment... Et c'est vrai qu'on a eu très très peur et on s'est arrêté de jouer à ce jeu-là ce jour-là. Putain, terrible. Toi, Adrien, ça va? T'as déjà, parce que... Moi, le seul truc, c'est... Enfin, si, j'avais déjà raconté, je crois que je m'étais fait... En fait, j'avais un... D'ailleurs, mon frère, qui est dans le public, était au courant. On avait un réveillon de Noël avec mon père qui s'était écourté pour des raisons de famille bizarre. J'ai tellement envie que tu racontes ça, en fait, pour le coup. Non, mais juste, voilà, bon, ça s'est écourté. J'étais rentré chez moi à pied. Donc déjà, j'étais dans un mood, déjà, c'était un événement pas ouf, déjà. Et à 20 mètres de chez moi, je me suis fait attaquer par un pitbull. Le chanteur pitbull. Pas du tout. Non. Un petit air de reggaeton m'aurait bien remonté le moral. Mais pas du tout. Surtout à Noël. Au contraire. Pitbull à Noël. Eh ben oui. Non. Il m'a... Alors, je pense qu'il y est allé doucement quand même, parce que voilà... Bon. Il n'a pas voulu non plus me tuer. Mais bon, il m'a mordu le bras et le pec. Donc j'ai des pecs déjà. Oh, il s'est fait mordre le pec. J'ai ri à pec, c'est incroyable. Et comme le requin, pec citron. Allez, oh, pas mal ou quoi? Ah, c'est beau, c'est beau. Pour le moment. C'est un meilleur spectacle qu'a fait Jacques Brel il y a 30 ans. Ouais. Ah, déjà, on n'a pas dégueulé juste avant, nous. Déjà. Comme des gros fragiles, Jacques Brel. Ok. C'est fou qu'ils aient laissé le vomi de Jacques Brel, d'ailleurs, dans les coulisses. Ouais, ça, c'est bizarre. Trop bizarre. Encadré, là. Ouais. Ça ne t'a jamais, du coup, dégoûté des chiens, cette histoire? Non, mais j'ai eu quand même vu une période... Vu qu'on voit ton chien régulièrement en photo sur Internet. Je le poste assez peu. Non, mais j'ai eu une période, par contre, où j'étais persuadé que tous les chiens me détestaient. Parce que souvent, je croisais des chiens et ils mettaient un peu des coups de pression. Mais ça s'est arrêté. Maintenant, les chiens m'aiment bien. Après, bon, ils étaient en bande avec des suites à capuche. C'est ça. Ils avaient des petits couteaux. Tu vois, toi, tu coupais la musique de ton téléphone. Tu disais, voilà. Non, c'est bon. Ils venaient me serrer la main et quand je tendais, ils faisaient, allez, oh, mon pote. Donc, je fais, bon. Oh, vraiment, c'est gratuit. Horrible, quoi. Et sinon, très court, je me suis fait chier sur la tête par un pigeon le jour de mon anniversaire. Mais pas d'ITT, toi, non? Comment? Pas deux jours d'ITT? Non. C'est oui, voilà. C'était une merde taille normale. Ouais. Et puis voilà, d'une consistance régulière, plutôt liquide et tout. Petite flaque de chiasse au final. Ouais. Une bonne chiasse sur la tête le jour de mon anniversaire. Une kippa de merde, en fait. Une petite kippa de merde. C'est ça. Sur le crâne, tout simplement. Un peu limite, ça. Oh, je me suis... Oh, non. Je plaisante, bien sûr. Nouveau jeu. Vous l'avez sûrement vu passer cet été, le beluga dans la Seine. Ouais. Et c'est le moment émotion qui doit bien se marrer là-haut avec Coluche et des proches. Bah Adrien, c'est con, le cri du beluga, peut-être tu peux nous le faire? Je peux faire, bien sûr. Hey, hey. Je sais que c'est très proche du lynx, mais les experts ont remarqué que c'était pas exactement la même chose. Eh bien, quel autre animal insolite avait été découvert dans la Seine? Un animal avec une spécificité toute particulière. Un tigre. Dans l'eau? Ouais, c'est ça qui est bizarre. Ah oui, non, c'est... Petit indice, ça reste un truc qui vit dans aquatique. L'eau. Ouais. Ouais. Donc, qui vit dans la mer. Poisson. Qui vit dans la mer, ouais. Ou les océans. Tu l'as dit peut-être, oui, peut-être. Ouais. Je suis pas certain que ce soit dans la mer, pour être tout à fait honnête. Donc non, en fait. Non. Wow. C'est plus que je suis potentiellement bête. Arrête. Dire mer et rivière. Peut-être, ouais. Je pense. Ou rivière. Ouais, je pense. Les deux. Un saumon. Tu sais pas du tout. Dis des poissons. Okay. Un saumon. Non, pas un saumon. Non, un barracuda. Un truc un peu insolite. Est-ce que c'est un animal qui a déjà été un personnage coquin ou farfelu dans un film d'animation? Alors c'est très précis. Gabotin. Faut que je réfléchisse à tous les films d'animation. Prends 5 minutes. Franchement, 5 minutes. Alors une éponge avec des shorts, non? Non, c'est pas un crabe, donc c'est pas la petite sirène. Non, je crois pas. En tout cas, il n'y en a pas un de connu. Ok. Un énorme poulpe? Non. Mais c'est un poisson, t'as dit? On est dans le domaine des poissons. Ah, donc c'est pas par exemple un phoque? Non. Un mars. Un non. Phoque? Ouais, non, c'est pas. Ouais. Un marsouin? Non, mais ouais. Tous les morses. Morses. Non, pas tout ça. Faisons la liste de tous les trucs que c'est pas, déjà. Non, un, c'est un vraiment. Gros poisson. Oui. Un gros poisson. Un pas forcément gros. Une orque? Non, pas un. Non, pas un orque? Non, pas un orque. Un mérou? Bjork? Non, non. Non, pas un mérou. Michel Larocque, non. Rock voisine, non mais on continue. Est-ce que The Rock. Allez, on enchaîne. Est-ce que c'est un animal qui, par exemple, dans l'inconscient collectif, peut faire peur? Ah oui. Un requin. Un piranha. Très bonne réponse de Audrey Pierrot. C'est toi qui m'as aidé. Alors, petite précision, c'est un type de piranha très précis. Il s'agit du pacu. Ah oui. Je n'allais pas vous demander le pacou, parce que c'est quand même très précis. Non, bah oui, quand même. Ce poisson, alors c'est de l'eau douce, tu vois, donc pas du tout la mer. J'aurais pu te répondre à ta question, Simon, bien sûr. Originaire d'Amazonie, dont les plus gros individus peuvent peser jusqu'à 25 kilos, a une petite particularité. Quelle belle bête. Il serait réputé pour aimer avaler les parties génitales de ces messieurs. Omnivore, comme la plupart de vos Je sais pas. Parce qu'on a envie de, on a envie de voir la scène. Il est là ce soir. Omnivore, comme la plupart des piranhas, le pacou se nourrit essentiellement de fruits, d'algues, d'insectes, de mollusques et de couilles. Et de couilles. Ouais, ouais. Sa puissante mâchoire, dotée de dents moins aiguisées que ses cousins piranhas, n'en fait pas un grand prédateur, mais la faim peut l'amener, en période de disette, à dévorer des testicules humaines qu'il confondrait avec des noisettes. Non, attends, non. Ça c'est marqué dans l'article, ça n'a absolument aucun sens. Dans quel, à quel moment ils trouvent des noisettes dans l'eau, déjà? À quel moment les gens se baignent à poil, déjà? Les gens se baignent à poil? C'est vrai. Dans, dans l'Amazon? Ouais. Non, mais peut-être qu'ils mettent des maillots de bain un peu amples. Tu vois, je sais pas. Ah oui, et du coup, ils voient pas bien, en fait. Ou, non, attends, c'est des noisettes ou des couilles? Dans le doute. Non, mais noisettes. C'est noix, des noix. C'est un mec qui avait un maillot de bain avec des motifs noisettes. Ah oui, voilà. Non, mais ça se trouve, c'est comme les boîtes de chocolat, tu vois. Il croque, il fait « Oh merde, non, c'est les couilles !» C'est comme un mon chéri, quoi. C'est ça, hein, voilà. Ouais. Bah, les couilles, c'est un peu le mon chéri des noisettes. Mais c'est ça, bah, apparemment. Yes. Oui, bon, après, voilà. Alors, là, il n'est pas spécialement question de bites et de couilles sur celui-là. Vraiment un petit... Il y a trois personnes qui partent. Pardon ? Non. Chaque année, un fait étonnant se produit sur la Tour Eiffel, parce qu'on est à Paname. Eh oui, et c'est un petit peu travaillé comme émission. À votre avis, lequel ? Qu'est-ce qui se passe avec la Tour Eiffel chaque année ? Un fait étonnant qui ne vient pas de l'homme. Hein. Ce n'est pas l'homme qui change ça. L'homme prend la mer, en revanche. Mais... Elle grandit. C'est surtout la mer qui prend l'homme. Bonne réponse de Simon Astier. Alors, elle change de taille. Ouais. C'est ça. Elle ne fait pas que grandir. Elle change de taille. L'explication est à chercher dans sa charpente métallique. Attends, il voulait... Donc elle grandit. Non, oui, elle si, entre autres. Elle peut rapetisser aussi. Ah bon. Eh oui. Ah. Entre autres. Eh oui. Elle fait des feintes un peu. Elle fait hop là, là, on a que... Non. L'explication est à chercher dans sa charpente métallique de 7300 tonnes. La Tour Eiffel pèse de ouf, j'ai envie de vous dire. Qui réagit en fait à un phénomène physique, la dilatation thermique, qui veut que le volume d'un corps augmente en même temps que sa température et inversement. Or, le métal utilisé pour la construction du monument, du fer putelé. Oh, vous êtes déjà mis ? Vous êtes déjà mis, hein ? Fred, je suis dans la Tour Eiffel. Ainsi, en été... Tu siffles comme chez la gynéco. Sa gynéco était Jamy. Qu'est-ce que c'est que ces histoires, alors ? Avec des petits Playmobil. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? On est très France Télé ce soir, hein, dis donc. Ainsi, en été, quand le mercure augmente, la Tour Eiffel a tendance à grandir et en hiver à perdre quelques centimètres. Un fonctionnement qui n'est pas sans nous rappeler celui d'une bite. Voilà. Non. Question subsidiaire. Non. C'est dans l'article, c'est archi. Personne vérifie, vous savez. Question subsidiaire, pardon. En 1936, l'architecte André Badevant a voulu updater la Tour Eiffel. À votre avis, comment ? Mettre un petit chapeau. Un petit chapeau rond, car vivent les Bretons. C'est quelque chose. Oh, bah ouais. C'est incroyable. Non. Franchement, vos gueules. Sans... Non. Pardon. Oh non, c'est horrible. Pardon, non, je m'excuse. Je pensais pas qu'ils applaudiraient. Là, c'est vous qui n'êtes pas cool. Franchement, pas sympa. Florent vous paye du merch gratuit. Ouais. Gratos. Non. T'es obligé. Ouais, bon, est-ce que c'est quelque chose d'esthétique ou d'utile ? Eh bien, un petit peu les deux, dis-toi. Très bonne question, mais du coup, qui ne t'aide pas beaucoup. Un autre ascenseur. Non, mais tu t'approches. Ah, c'est une idée de 1936. Eh oui. Un ascenseur de verre. Non, pas un ascenseur de verre. Roald Dahl. Un monte-charge qui permettrait, figurez-vous. De monter quelque chose. De monter. Des charges, en fait. Ouais. Wow. Ouais. Ah, ouais. Donc, quelque part, un monte-charge. Un monte-charge. Ouais. D'accord. Non, pas du tout. C'est pas ça. Une poulie. Je serais même une surpris poulie. Qu'il n'y en ait pas, d'ailleurs. Oui. Ah. Une poulie. Non, pas une. Un téléphérique. Quelle idée de fou. Une tyrolienne. Une tyrolienne. Pas une tyrolienne. C'est ça que tu voulais dire. Non, je voulais dire une poulie. Un trampoline. Pas un trampoline. Non, c'est vrai qu'il y avait eu. Non, mais en même temps, il y avait eu une rampe de skate, souvenez-vous, à la période de Taïkris. Taïkris. Salut, c'est avec Chris. Salut, c'est avec Chris. On s'en rapproche. On s'en rapproche pas. C'est pas un toboggan. C'est pas un toboggan. J'étais plus près avec mon ascenseur. Oui. T'es... Non. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui permet de se déplacer dans la Tour Eiffel? Non. C'est vraiment un truc. Vraiment, dites-vous, un truc qui a été rajouté. Un énorme truc. Ça n'a pas été fait. Hein, c'était prévu. Mais un truc qui a été rajouté et qui aurait mais défiguré la Tour Eiffel. Des vêtements. Bon ben. Non. Alors. Non, mais si pour l'hiver, quand il fait froid et qu'elle diminue. Un petit... Est-ce que, voilà, allons jusqu'au bout du truc, une petite bite, comme ça. Comme Crazy Frog, un cosplay de Crazy Frog. Non, en 1936. Oh non, mais visionnaire, le mec. Un gros pilier au centre. Alors, tu t'approches tout doucement, t'es vraiment pas loin, je sais pas très si vous trouverez. Doucement. Non, non, on est sur quelque chose qui a été rajouté, je peux vous le dire, au deuxième étage de la Tour Eiffel. Ah oui. Ah, un truc qui tourne là, un truc panoramique, non, restaurant. Non. Il y a un petit restaurant, c'est vrai. Ouais, je savais. Un truc entre les pieds pour pas que les gens tombent au centre. Ah, comme un trampoline géant, tu disais ça tout à l'heure. Vous avez vu cet homme qui a tenté de s'envoler, de s'envoler avec des ailes et de la tour du premier étage au deuxième étage, c'est le premier vol et il tombe comme une pierre c'est caillou. Terrible. Ouais, c'est terrible. Mais non. Je te jure. La vidéo est horrible. La vidéo est. Déjà, good vibes déjà. Comme anecdote. Non mais c'est incroyable. Non mais c'est vrai, c'est une vidéo que j'ai vue sur YouTube. Ouais. Non, je la lance pas. Non. Non mais enfin. C'est glaçant. Chez vous. C'est glaçant. Il est dead. Sûr, ah oui, bien sûr, dead de chez mais... nous. Mais. Parce que il avait quoi? Il avait des ailes d'oiseau. Ouais, en fait, c'est dans les années, je pense, à l'ancienne, tu vois. Ah, c'est il y a longtemps. Ah oui, c'est longtemps. Ah oui, c'est vieux. Ah oui, non, c'est vraiment pas good vibes. Bah, je vais voler. Est-ce que l'invention aurait pu éviter ça, par exemple? Oui. Je pense pas. Un hôtel? Non. Une maison? Non. Un appartement? Qu'est-ce qu'on construit dans les villes, dans les villages? Une station de métro? Non, dans la Tour Eiffel. Ouais, le comme ça, bah, pas fête. Mal en vrai. Une église? Ah, le un mec qui coaster. Joue de l'accordéon dedans. Oh non. Quelle idée. Un lieu religieux? Pas un lieu religieux. Un roller coaster? Un truc? Non. Non, mais c'est pas ludique, c'est pratique. C'est pratique. Mais il a dit, c'est un truc que tu, que tu fais dans les villes. Ça m'énerve. Ouais, je vois ça. T'es Helmut Fritz. On trouve pas. Non, mais attends, un truc pratique, c'est pour stocker. On est nul en fait, on est nul. C'est super, Simon. Un récupérateur d'eau. Mais non. Ah ça, non, c'est ça. Des panneaux solaires. Non, non mais en 36. C'est pour stocker quelque chose. C'est pour stocker des gens. Non, prendre l'eau de pluie, stocker l'eau de pluie. Pour passer du bas au haut. Non. Du haut en bas. À gauche, il à droite. Il a dit pour se déplacer. Et Macarena. Oui. Non, une c'est vraiment. Une bonbonne d'eau, c'est ça. C'est pour avoir un accès à cette Tour Eiffel, mais un certain type d'accès. C'est un. Une piste d'avion. Un pont. Non mais on s'approche. Non. Un tunnel. T'as dit quoi là-bas? Ça a été dit. Non, ça a été dit. Pas un parking. C'est un parking, mesdames et messieurs, et le truc se lance pas, bien sûr. Voilà, c'est pas grave, écoutez. La technique. Pat Le Guen, on n'arrive pas à lancer le truc. Bon, c'est pas grave. Avec un visuel, ça aurait été plus parlant, mais la technique, non, ça ne fonctionne pas. C'est pas grave. Vous auriez jamais fait ça, Jacques Brel. Ça, c'est le flot de casse, on s'en bat les couilles, mais Edith Piaf, quand elle sort là. Marcel eh, bah non, y a rien, putain. Je m'en fous. L'architecte qui a fait ça, donc c'était son rêve depuis qu'il avait vu la Tour Eiffel. C'est un vrai truc. De foutre un parking dessus. De foutre un parking énorme dessus. Clairement un sociopathe, ouais. Un mec qui va très mal en fait. Est-ce que vous rêviez de faire... Oh, regardez, ça arrive. Sublime. Oh, ah oui, moi... Ouais, ok, ouais. C'est un peu joli quand même. C'est un peu stylé, mais je comprends le côté défiguration quand même. C'est je vois bien le truc. Ce truc qui tourne. Ouais. C'est dégueulasse. Merci beaucoup la tech. J'aime un peu bien, mais... Ouais, on est partagé. J'ai eu ça aussi quand j'ai préparé l'émission. Je fais, c'est atroce. Et en même temps, c'est un peu le futur. C'est quelqu'un qui va mal pour dire, je vais chier sur quelque chose de tellement voyant. Alors, est-ce que vous aviez, quand vous étiez petit, est-ce que votre rêve, c'était de faire le métier que vous faites actuellement? Est-ce que vous aviez d'autres envies quand vous étiez petit? Toi, Simon, par exemple, quel était ton rêve? Moi, je voulais être archevêque. Ah, oui. Ah moi aussi. Archevêque, ouais. À cause archevêque ou archéologue? Non, archéologue. À cause d'Indiana Jones ouais. ou pas? Ouais. Putain, mais vous êtes deux potes. Pareil. Enlacez-vous, enlacez-vous. Dans ces temps un peu troubles, ça fait du bien de voir ça. Archéologue. Et t'avais une passion pour tout ce qui est dit, non? Ça me dégoûte. Ah oui. Déterrer les trucs, ça me dégoûte. Gratter la terre, ça me dégoûte. Ah oui. Cette ambiance... Tout ce qui est lié à... Ah, mais vraiment, ça me dégoûte. Donc c'était plus tuer des nazis que t'aimais. Ouais, c'est ça. Dans le côté Indiana Jones. Ouais. Clairement. Et puis gérer avec des serpents et tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Toi, Adrien, c'était archéologue aussi. Archéologue aussi, puis bah très vite tu te rends compte que ça, effectivement, ça n'a rien à voir avec Indiana Jones en fait, être archéologue. Donc non, puis j'étais très mauvais en histoire aussi, donc ça m'a tout de suite. Et après, t'es passé tout de suite à la comédie ou t'es passé par d'autres envies de métier? Alors, bah moi, j'ai eu envie d'être archéologue à cause de Indiana Jones. Je voulais être le premier joueur NBA moi aussi. Français. Moi non. aussi. Audrey va finir par se vexer. Hein. C'est incroyable, deux potes. C'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Ah non, moi, je suis très ému d'assister à tout ça. Incroyable. Et ninja à cause des Tortues Ninja. Moi aussi. Ça, c'est même tous les trois. On s'est écrit avec. Ça, je te jure, oui, c'est vrai. C'est... Faites un câlin à trois, mais ouais. Et après ces confinements, ça nous fait du bien. Quand même. Et du coup, moi, j'étais allé voir le film. Moi aussi. Ninja. Non. Trop tôt. Trop tôt. Attends, à la fin. Trop tôt. Avec un ami d'enfance, Florian. Et c'était moi. Non, j'arrête. Et il m'avait dit, mais tu sais que moi, mon oncle, il a passé un diplôme de ninja. Donc j'ai dit, charmé. Bah, je vais faire ça. Bon, évidemment. Un mensonge d'enfant. J'ai cru un moment quand même, genre bah, je passerai le petit diplôme puis je serai ninja quoi. Oui. Évidemment ça n'existe pas. Oui, si t'es bon en EPS. Ouais, voilà. Non mais. Mais d'ailleurs pendant un. Pendant un flot 4. Wow. Ça y a 3 S. J'ai fait un tout petit malaise, c'est pas grave. Tout va bien. Tu avais dit que tu avais vu sur internet une formation actuelle. Oui, c'est vrai que ça existe encore. Alors, t'es-tu positionné par rapport à ce projet? Qu'as-tu fait? Quel est ton parcours? Tes envies? Non, mais je crois que c'était un peu bizarre. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, la formation, elle était plus. Donc, t'as pas du tout persévéré, quoi. Il y avait un site, abandonné. Mais je crois que la formation n'était plus active. Ouais, bizarrement, cette formation qui propose un diplôme de ninja était une arnaque, apparemment. Non, et c'était par correspondance. Oui, surtout. C'est ça, ouais, exactement. Je crois. Et aussi, j'ai 40 ans passé aussi. Ça a dû jouer aussi. Ah, il y a deux, trois facteurs. Oui, voilà. Toi, Audrey, c'était quoi ton métier de rêve quand tu étais enfant? Eh bien, non, je voulais être juge pour enfants ou avocate. Parce que bon, du coup, toute petite, fun. Juge, mais pour enfants. Ouais. Je voulais juger les enfants. Ouais. Ça va pas ou quoi? T'es complètement toc-toc. Mais espèce de zozo, va. Les deux coudes sur la table, mais on est où là? Ouais. Enfin, tu veux mon doigt ou... Ouais. C'est bien. C'est bien. Mais c'est un métier surprenant pour un enfant de vouloir être juge. Oui, mais je suis une vieille personne depuis longtemps, moi. Je suis une vieille personne. Très bien. Ouais. Une petite question encore. Savez-vous qui est... Et toi, pardon. Flo et mais toi, non, mais Flo moi, je voulais faire... je voulais écrire et réaliser des histoires, oui, lui, toujours, tout simplement. Depuis le début, il sait. Non. Oh. Dans sa cabane à branlette, là, lire les trucs sur Tarantino. Il voyait Tarantino, il faisait, allez. Oui, bien sûr. Ah, je peux rien répondre, c'est la stricte vérité. Savez-vous qui est Fred le Babouin? Un youtubeur? Non, c'est un véritable babouin qui a une particularité, à votre avis, laquelle? Il parle le langage des signes. Non. C'est ça, c'était le gorille de Robin Williams. C'était Coco. Coco, ouais. Pas Gad Elmaleh. Il doit bien se marrer là. Avec Coluche et des proches, là, bien sûr. Et le beluga. Ouais, bien sûr. Mais est-ce qu'il avait une aptitude particulière? Alors, il était très agressif. Il est décédé. Il est mort de ça? De son agressivité? Ouais, je sais pas. Non, il est. Oui, alors, il est pas mort ninja. De ça, non, mais il est mort à son décès. Cause de son non. truc? Non. Il maîtrisait les armes blanches? Non, alors. Il y a un peu de ça, dis-toi. Le nunchak. Il y a un peu de ça, mais ce n'est pas sa plus grande particularité. Il a utilisé un flingue? Non. Il était ninja? Non, il n'était pas ninja. Putain. Est-ce qu'il faisait des trucs que aucun singe ne fait jamais? Ah oui, non, c'est très rare. Il a tué des gens? Alors ça, il a tué, mais c'est même pas sa particularité. Waouh. Ah ouais. Ah, mais ça, on l'a vu dans le podcast, il y en a eu un des singes qui... Il est carnivore. Non, il n'est pas... Non, je ne crois pas. Non. Il mange les couilles. Mais les babouins sont carnivores. Des noisettes. Un babouin bouffeur de couilles, non. Est-ce qu'il était... Bien. On dirait une chanson de Bobby Lapointe. On dirait un film, surtout, vraiment. Les babouins mangeurs de couilles. Oui, il est dans de la mer, mais... Ouais. Ou une vieille chanson de Gainsbourg. De Renaud, bouffeur de couilles. Est-ce qu'il était en liberté ou en captivité? Non, il était en liberté. Dans la rue? Il s'appelle Fred. Non, ils lui ont donné un nom. Non, non, il était en liberté. Il était en liberté, mais ils l'ont appelé Fred. Ouais. Donc ça veut dire qu'il était... Okay. Attends, mais Fred, c'est pas du tout français. En plus, ça peut être de n'importe où. Ah bah oui, ça peut être. Ça, ça se passe pas en France. Hein. Ça se passe pas du tout en France. Ça... C'est pas Frédéric, par exemple. C'est pas un début. Est-ce que c'est en Inde? C'est pas Frédéric Diefenthal. Ça peut être Friedrich. Ouais, non, pas Friedrich. Non. Est-ce que c'est en Inde? Non, est-ce que c'est oui. Frédéric Diefenthal? Non, c'est pas Frédéric Diefenthal. Okay. Non. Non, non. Il n'a pas réussi à passer son permis malgré plusieurs essais. Non. Fred est un babouin, Frédéric Diefenthal a joué dans Taxi 2, ça n'a rien à voir. Tu confonds les deux. Effectivement. Eh ben oui, c'est fou. Non, non, il a une particularité en fait qui est pas si dure à trouver, mais qui est vraie, un peu folle. Et c'est lié à sa violence. Il est très très grand, il est immense. Non, c'est lié à sa violence, à son agressivité. Il est stock. Et ce qui fait que du coup, c'était très difficile. Il a des pecs comme moi. Non, il a pas de pecs. Est-ce qu'il a kidnappé quelqu'un? Il a pas kidnappé. Il a conduit une. C'était très difficile de l'arrêter parce que. Parce qu'il faisait de la bécane. Non. Non, je vais vous donner la réponse. Non, bah non. Ah ben, je dois rendre la salle. À un ok. Moment. Ouais, ouais. L'Olympia était très clair. Hein. Si on est en retard, on paye. Ah ouais. Hein. Il courait très vite. Il courait pas très vite. Il courait très lentement. Il trottinait. C'était Spider-Man. Ouais, il fait des toiles d'araignée comme ça. Non, non. Non, non il avait un mode de fuite particulier. Non, je vais vous donner la réponse, malheureusement. Vas-y, vas-y. Il a tiré avec une arme à feu. Attends, non. Putain, on peut trouver mais ou pas il je vous jure. Ça, en fait. Il y a Bruno Cocatrix qui m'attend à la sortie. Si vraiment on sort trop tard, il me défonce. Non, il est tout simplement invincible. Non, bon. J'adore. Quoi? Genre, il lui tirait dessus, il faisait comme ça, et les balles rebondissaient sur ses pecs. Comme moi, j'ai des pecs. C'est un singe, et comme tous les singes dont on parle dans le Floodcast, il faisait partie d'un gang de singes. Mais celui-ci a une particularité, il avait la réputation d'être immortel, invincible. En 2009, 29 babouins ont assiégé 4 véhicules en Inde volant de la nourriture alors que les passagers paniqués criaient et demandaient à ces maudites bêtes de ne pas mettre leurs pattes puantes sur les sandwichs. Un peu dur avec après, s'ils leur parlaient mal comme ça, ouais. Le chef féroce de cette tribu a été surnommé Fred, selon de nombreux vétérinaires et autres organisations. Le babouin au nom fade, un peu dur là aussi. Le babouin quoi? Au nom fade. Non mais ils n'arrêtent pas de le juger aussi. Non mais là c'est ouais le pas ouf West France hein, là pour le coup. Il vivait ce que je vis avec Simon depuis le début de l'émission. Toujours critiqué. Selon de nombreux vétérinaires, le babouin pouvait mordre comme un lion, courir comme un guépard et diriger sa troupe comme un empereur despotique. C'est Mohamed Ali, quoi. Il vole comme un papillon, il pique comme une guêpe. Enfin, c'est incroyable. Fred savait ouvrir les portières de voiture, dézipper les sacs. Conduire, il avait des petites notions. S'introduire. Automatique, il pouvait la conduire. S'introduire dans les maisons, imiter Chirac. Ouais, il imitait les voix des gens. Ouais. Au téléphone, il pouvait imiter la voix des gens et tout. Oui, à l'interphone. Oui, oui, c'est moi. Ah, c'est Fred. C'est Fred. Non, ouais. Pas du tout. Mon nom est beaucoup moins fat que ça. C'est DHL, là. Faut me laisser rentrer. Hein. Non, sa peau était dure comme du Kevlar. Non, mais... Arrête. Bah si. Non, mais c'est un Marvel, là. Mais je ne suis que le messager. Un Marvel que j'ai très envie de voir. Les rayons X ont révélé que Fred avait été abattu de plus de 50 balles non. Au cours de ses exploits. Et oui, en fait, bon, au final, ils l'ont tué. Hein, bon, après, cela dit, potentiellement, la première balle l'a tué, et après, ils l'ont criblé de 49 balles supplémentaires inutiles. Non, ils l'ont tiré dessus plein de fois, et il ne mourait pas, quoi. Tout simplement. Putain. Tout bonnement. Incroyable. Fred. Les scientifiques de l'Arizona ont décidé d'envoyer du sperme sur la Lune. À votre avis, pourquoi? Est-ce que c'est lié au truc d'avant ou pas? Non, mais... Non. C'est allé si vite. Ah non, mais là, on est... Oui, je prends les virages au frein à main ici. Hein. Attention, hein. Je vérifie pas si tout le monde est attaché. Des scientifiques de l'Arizona ont décidé d'envoyer du sperme sur la Lune. À votre avis, pourquoi? En cas de pénurie d'eau. Non, mais un bon verre de sperme, très bien. Hop là, petite gorgée de sperme, ça repart. C'est non, c'est pas ça. Une petite gorgée pour l'homme, mais... Non, est-ce que... Non, est-ce que c'est dans l'espoir que des extraterrestres trouvent le sperme et inséminent des extraterrestres et ça fait un hybride homme. C'est vraiment l'homme, quoi. Dès qu'il y a des aliens, peut-être on les baise. Enfin, je sais pas. Peut-être on met du sperme dedans pour voir. Après, ils ont vraiment envoyé du sperme sur la Lune, donc. Oui, cela dit. Non, non, c'est pas dans ce but-là. C'est pas lié aux extraterrestres. Pour voir si le sperme gèle. Alors, en l'occurrence, le sperme gèle. Bah, du coup, maintenant, on le sait. Ça a coûté un peu de thunes, mais. Non, non, le sperme gèle, mais... Donc si tu spermes sur la nuque d'un gars sur la Lune, potentiellement... S'il fait très froid, ouais. Mais à votre avis. Est-ce que ça a été fait comme ça, en disant, venez les gars, on essaye? Ouais, Où il y avait vraiment un but précis scientifique. Non, il y a un plan. Il y a un plan de la part des scientifiques de l'Arizona. Un prank ? Non, non, non. Un simple prank ? Non, non. Non, non, c'est une mission qui nécessiterait quand même 250 fusées, soit... Pourquoi ? Attends, quoi, ouais, attendez, ouais. Attendez, non, ouais. Mais... Pour... Non. Ouais. Non. Combien de sperme ils veulent envoyer ? Ah, ils veulent envoyer... Ils veulent envoyer des litrons et des litrons de sperme. 800 tonnes de sperme à leur décharge. Est-ce que tu vois le lac d'Annecy ? C'est ouais. Le lac d'Annecy en sperme. Ah d'accord. Non, non, 250 fusées, soit 5 fois plus que pour construire la Station Spatiale Internationale. Mais c'est un projet, on est d'accord c'est un projet, ça n'a pas été fait. Hein. C'est encore, je crois qu'il y a Thomas Pesquet qui est dessus. C'est en termes de, c'est en validation. C'est juste un gars qui a proposé ça, quoi. Non, non, c'est une équipe de scientifiques. Non. Les 250 fusées ne servent qu'à transporter le sperme ? Apparemment, ouais, ouais. Ah, parce que ça permettrait de le conserver pour l'éternité. Comment ? Ah. De les garder pour l'éternité ? Oui. Si. C'est pas... Ok. Non, il non, y a des allez, frigos, bon, sinon. Non, des frigos mais, sur Terre. Oui, mais en fait, à un moment donné, fatalement, ça va manger... Est-ce que c'est être italien. Est-ce que c'est pour voir les frigos... Le sperme. Je l'ai pas non plus là. Est-ce que c'est pour voir l'effet de la gravité lunaire sur le sperme dans le but de coloniser la Lune plus tard ? Alors tu donnes un peu pour voir si on pourra se reproduire si on colonise la Lune. Ah. Alors tu t'approches, c'est pas exactement ça. S'il meurt, pour voir s'il meurt sur la Lune. Le sperme ? Mm-hmm. Non. Les spermatozoïdes quoi. Oui oui. Non non, c'est t'es pas si loin, mais il y a un terme précis que j'attends de vous. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ce sperme pour l'envoyer sur la Lune ? Il y a un but précis. une insémination artificielle sur. Il n'y a pas mille trucs à faire avec du sperme, hein, pardon. Non, non, non. Mais... Ça serait un bon délire. Ouais. Juste, tu le racontes derrière, j'ai envoyé quand même 8000 litres de sperme sur la Lune. Qu'est-ce que t'as fait, dans toi, mon gars ? Voilà. Waouh, l'Olympia, pff, ouais, nul. Non, moins bien, moins ouais. Bien. Pour faire le jeu des anecdotes de McFly et Carlito avec une anecdote vraiment folle. Ouais, non, non, non, non, non, c'est pas ça. Non, non, c'est les chercheurs veulent s'inspirer d'un truc qui a eu lieu sur Terre, mais eux, ils veulent le faire sur la Lune. Un boucaquet. Non. Ils gros fan de cul, là, par là, là. Ouais. Baiser. Oh, je suis sûr, il met des doigtés. Non, ils veulent pas faire un boucaquet sur la Lune, non. Très bon titre. Ouais, bah ouais. Peut-être le titre de l'épisode, ça va dire. Peut-être. Un truc qui est arrivé sur Terre avec du sperme. Alors, ils veulent, je vais vous donner un petit indice. Ils veulent entreposer ce sperme sur la Lune. Faire une banque du sperme sur la Lune. Exactement. Bah, c'était ça que je voulais dire par le conserver c'est vrai pour que l'éternité. C'était... Alors oui, mais ça. C'était pas vraiment pour l'éternité, c'est pour un but précis. Bah, imaginons. Bah, parce que si on va coloniser après, la Lune, c'est on... pas coloniser. Mars. C'est... Non, non. Si on va vivre sur la Lune, oui. Et bah comme ça. Oula. Alors, le but n'est pas, c'est pas un bar. Hein. C'est... Je vais prendre un shot de sperme, n'importe qui. Même celui-là, j'ai une dure journée. Terrible, hein. Qu'est-ce que c'est ? Tu as de près quelqu'un ? À un moment, t'as fait une tech paf. Non, mais est-ce... Terminé. Non mais si, comme ça les femmes n'ont plus à avoir. En fait, comme ça, on repeuplerait une planète que de femmes. Alors, t'as réussi de faire de cette histoire un truc féministe. Alors. Ce qui m'a surpris. On est des alliés mais... parfaits donc. Non, au final, on est... alors t'es pas si loin. En gros, leur plan prévoit d'envoyer des échantillons de sperme, de graines ou de spores de quelques 6,7 millions d'espèces. D'où les 250 fusées. C'est pas que du sperme. Ah, ils veulent faire humain. L'arche de Noé du sperme. C'est l'arche de Noé du sperme. Ça. L'arche de Noé donc, du sperme. C'est pas le nom du dossier. Hein. C'est... Ouais. Non, mais on ça peut. Ça doit être mentionné. Ça veut dire qu'ils enverraient du sperme d'humain, de lion, de beluga. Wow, le mais... taf de merde d'aller récupérer ça. Il y a vraiment quelqu'un qui a branlé énormément d'animaux. Oh là là. Là. Mais attendez, un coléoptère. Mais... Allez, let's go. Mais non, mais ça existe déjà. Ah oui. En Norvège. Alors, excusez-moi d'apporter incroyable. Un tout non, petit non, mais, truc. Vas-y. Ça existe en Norvège. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ils se sont inspirés d'un truc qui arrive. Ah, il y a déjà une banque de sperme de toutes les espèces. Oui. Exactement. Et oui. Je t'explique. Regarde bien Audrey, parce que je te. L'endroit est fou, en vrai. T'y allais ? C'est un petit musée sympa à faire l'été. Non, mais vous pouvez regarder. Il y a des petits chariots. Non, mais passez à la boutique, c'est trop con. Vous pouvez partir avec non, un petit. Non, mais le truc est hyper protégé et tout. Hein. Oui, oui. Bah en fait, je vais t'expliquer. En fait, malheureusement, cette banque du sperme en Norvège. A failli prendre oui. fin il n'y a pas longtemps. En fait, c'est le Svalbard Global Seed Vault, une réserve mondiale de semences conservées sur une île norvégienne. Effectivement, oui. il y a quelques années, une fuite d'eau provoquée par la hausse des températures en Antarctique avait failli entraîner la perte du précieux patrimoine de l'humanité. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils aimeraient mettre tout ce sperme sur la Lune. Mais sur la Lune, c'est pas du tout moins dangereux de le foutre sur la Lune. Oui. Alors, peut-être juste un endroit où il y a moins de d'eau. Ouais, enfin, moins loin, même déjà moins loin, en oui, fait. C'est ça, oui. Selon... Bah là, y a l'eau peut monter. Bah, la Lune. Il n'y a que la Lune. Ouais, ouais. Une montagne. Je propose une montagne. Selon les instigateurs du récent projet, la Lune serait ainsi un endroit bien plus sûr pour entreposer cette arche de Noé afin d'éviter que le sperme ne gèle et n'endommage les structures métalliques tout autour. Les chercheurs ont proposé d'opter pour la lévitation quantique. Ouais, un projet qu'il faudra... Il n'y avait pas plus simple que ça, quoi. C'est... Le plus simple, c'est la lévitation quantique. Ouais, apparemment. Un projet qu'il faudra certainement suivre de près. Pas sûr du conseil. J'ai une question. Est-ce que... Ils ont sauvegardé du sperme d'espèces animales qui ont disparu. Ah, genre les doudous, par exemple. Ouais. Je sais pas s'ils avaient pensé de les branler avant. Si. Enfin, ils ont collecté depuis hyper longtemps du sperme et des ovocytes. Il n'y a pas que le sperme, monsieur. Dans la vie. Excusez-moi. Pardon, moi je. Oui, non, mais quand même. Dénoncé, hein. C'est parce que vous tout seul, ça fait pas grand chose. Ouais. Ça salit, c'est uniquement. Et entre-temps, il y a des espèces qui ont disparu et eux ont encore ça, c'est la... C'est formidable. Oui, mais il n'y a pas donc de mammouth. Donc, ce n'est pas du sperme d'humain, en fait. Il y en a aussi, mais oui. Y a ouais, pas... mais comme... Il n'y a pas de quoi remplir 250 fusées. En, voilà. En vrai, en plus, l'humain que tu choisis pour son sperme, il est fou, quoi. Ah oui, ah oui. Genre, c'est Adam, en fait. Le seul oui, que tu prends, tu fais... Bah... Fais un casting avant. Bah, c'est une émission. C'est une émission qui arrive sur TF1. Thomas Pesquet, je dirais. C'est Camille Combal qui présente. C'est... Oui, moi je sais pas, moi ça m'a donné des étoiles dans les yeux un peu, du sperme sur la lune. Ouais, mais c'est... Du sperme sur la lune qui est une chanson de Big Flo aussi, de Big Flo et Oli. Ah oui ? Ah oui, je te jure. Oh ! Envoyer du sperme, ça sort de mes burnes, ça s'appelle du sperme. Je le lâche encore une fois, ça sort de mon zizi. C'est un truc blanc, c'est pas du pipi. C'est tout. Merci. Bravo. Salut les gars, c'est Pierre Ninet. Je me permets juste d'intervenir. En fait, j'ai vu le spectacle depuis les coulisses, donc je profite qu'on soit dans cette... boîte noire, petite référence à mon film qui a fait plus d'un million d'entrées, mais pas là pour forcément parler de moi, là justement, mais d'un sujet peut-être moins palpitant, mais vous. Donc juste pour dire, le spectacle, de mon point de vue, était pas si mal, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on stagne un petit peu, voilà, la branlette, oui, bon, pourquoi pas. Le sperme, les gens qui ont la chiasse, on connaît, on écoute sans déplaisir, hein. On y goûte avec gourmandise, mais il y a un moment où ça devient peut-être un petit peu rébarbatif, donc ma question c'est quoi le prochain step? Et non, c'est une question rhétorique, je sais exactement ce que c'est le prochain step. C'est pas le cinéma, c'est pas la télé, c'est pas Twitch. Pour moi, l'évidence même de ce qui va se passer et de ce qui doit se passer, c'est Floodcast, la comédie musicale. J'irai au bout, jamais l'ordre je ne bafoue. Je suis bénévole au puits du fou. Je suis ici depuis que j'ai 6 ans. Je me suis marié adolescent. Je suis le père de 16 enfants. Tous leurs prénoms commencent par Jean. J'aimerais bien devenir chevalier ou bien juste devenir salarié. Un jour un cheval m'a piétiné, son immense pénis m'a giflé. Ma femme est une cracheuse de feu, elle a brûlé le petit Jean-Mathieu. Mon fils qui est aussi mon neveu, des vautours ont chié dans mes cheveux. Je suis écuyer, je suis à bout. J'ai toujours

notre Gilles Verdet. Allez-vous tout seul. Tout le monde peut battre. Oh, c'est sublime. Qu'il nous entende. Ouais. Tout le monde peut battre Gilles Verdet. Merci. Merci beaucoup. Merci. Faites attention. Rentrez bien. Ciao. Au revoir, merci beaucoup.